这里的。 Je te monte en l'air, y'a flop de mythomane. Ils ont full up de vis, casse l'ambiance à coup de Thomas. Monte dans la top, je t'emmène, je suis dans le parking d'en bas. Nouveau Gamos touche, DJ fini de tomber en panne. Le but c'est pas de connaître toute la terre, mec, toute la terre te connaisse. Minuit, je suis vers car je les connaisse. Créneau, la chauffe veut me coller. Tous les jours, je fais rentrer l'argent. Quand je compte, je rigole comme un gogol. Ego, si je peux compter sur toi, on comptera le rallye ensemble. Y'a rien de sûr à part la mort. Addition salée comme la mer. En audition, t'as tout bouca. Celui qui balance, on le mix sa mère. Il suffit de pas prier et d'attendre. Toujours dans le coup comme pomme d'Adam. La vie d'artiste, qu'est-ce que j'adore. Ami, ami, dans la bande t'adore. Yeah, yeah. Après, on s'examine. La peufra, j'examine. Millimétré, je prends tout avec la main. Bisous du gang, gang bang dans la noche. Versace, c'est Rucci, Bawen Gache. Yo, ça y est pas très content, ne regarde pas ma gadji. Par le pétard, ils vont courir dans tous les sens. Je compte pas quand je mets l'essence. Ego pour moi, c'est l'essentiel. Sans le pétard, ils vont courir dans tous les sens. Je compte pas quand je mets l'essence. Ego pour moi, c'est l'essentiel. On est bon qu'à faire l'argent. Prends les cigars, j'monnais, j'compte dans la chambre. On est bon qu'à faire l'argent. Prends les cigars, j'monnais, j'compte dans ma chambre. Dans le mur de la voie 9-3-4. Sorcier t'es comme Moldu. Ajouter 2-3-4. Le million tu m'entends plus. Ils prennent peur. J'suis dans la choc pépère. T'inquiète on va pas se bébar. Ils sont par terre. Sont les durs dans le check-car. Sont pas un la vie de ma mère. Almami c'est la famille. À Bois d'Arcy là la 4G. Ça fume du teji sans se cacher. Sur mon territoire y'a le crachat. Trop charbonné pour m'arrêter là. J'vais la clé de la maison Margiela. 48 heures ils m'ont lâché. L'OPJ prend sa photo. J'ai misère les Yankees. Je sens la Saint-Sem. Je sens la Dami. Je sens Showcase. Je gagne de l'argent. Je compte pas quand je mets l'essence. Ego pour moi c'est l'essence. Dans le pétard ils vont courir dans tous les sens. Je compte pas quand je mets l'essence. Ego pour moi c'est l'essence. Dans le pétard ils vont courir dans tous les sens. Je compte pas quand je mets l'essence. Ego pour moi c'est l'essentiel. Dans le pétard ils vont courir dans tous les sens. Je compte pas quand je mets l'essence. Ego pour moi c'est l'essentiel. On est bon qu'à faire l'argent. Prends les cigars, j'monnaie, j'compte dans la chambre. On est bon qu'à faire l'argent. Allez, c'est quand je m'en ai, je compte.